Denis, vous avez pas un message un peu porteur pour le patalène de l'E40? On va pas faire un foin pour un baleine échoué, hein. Pas alors. Bon, débrouille-toi, alors... mon vieux. Allez, ce matin, il y a des averses qui sont déjà présentes sur le Hainaut. Elles arrivent de la région lilloise, la région montoise est déjà impactée. Puis d'autres vont remonter des Ardennes françaises vers la province de Luxembourg. Petite première vague d'averses le matin, pas trop soutenue, mais par contre, l'après-midi, eh bien là, on va revenir au régime d'averses avec coup de tonnerre et même de la grêle par endroit. 14 à 18 ou 19 degrés pour aujourd'hui. C'est à peu près les mêmes températures pour demain. Il y aura un petit peu moins d'averses, mais tout est dans la nuance. La vraie amélioration, c'est à partir de dimanche. Il fera déjà plus sec, encore nuageux. Et lundi, on aura même des choses que j'ai du mal à prononcer tellement ça fait longtemps que je ne les ai dites. Du soleil, des éclaircies et du temps sec, et 17 à 22 degrés. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, la tristesse et consternation après le meurtre de Joe Cox au Royaume-Uni. La députée travailliste militait pour le maintien de son pays dans l'Union européenne, mais rien ne dit avec certitude que c'est le motif de son agression. Les dernières informations dans un instant avec Nathalie Servet. Les agriculteurs doivent-ils bénéficier d'un régime de faveur au détriment de l'environnement? C'est une information RTBF. Aucune nouvelle mesure ne sera imposée au secteur agricole wallon à propos des eaux usées, contrairement au reste de la population. L'effort, dans un premier temps, va essentiellement porter sur les eaux usées domestiques, un petit peu sur les eaux usées industrielles et fort peu sur les eaux usées agricoles. Une situation dont se réjouissent les agriculteurs étant donné les grandes difficultés qu'ils doivent affronter pour le moment. Moins d'un mois après les faits, l'agresseur du commissaire de police Pierre van der Smissen doit être jugé aujourd'hui. Une procédure accélérée qui choque le célèbre avocat pénaliste Pierre Chaumet. Nous l'entendrons. En sport, Marc Wilmots sous pression à la veille du deuxième match des Diables Rouges à l'Euro. Et puis c'est parti pour 5 jours de fête de la musique en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous partagerons avec vous notre coup de cœur pour Thomas Mustin, alias Musti. Et une veillée était donc organisée cette nuit à Birstall, dans le nord de l'Angleterre. C'est là qu'a été tué Joe Cox hier après-midi, une députée travailliste pro-européenne. Un meurtre dont le motif est toujours flou. Des témoins racontent que le tireur aurait crié « le Royaume-Uni d'abord », mais rien n'a été confirmé par les autorités. Un meurtre en pleine campagne sur le Brexit, le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne. La campagne a été suspendue par les deux camps et les réactions immédiates. Une tragédie pour le Premier ministre britannique David Cameron. C'est absolument tragique, une nouvelle épouvantable. Mes pensées vont au mari de Joe, Brandon, à ses deux enfants, à leur famille. Nous avons perdu une étoile de la vie politique britannique, une députée qui menait de nombreuses campagnes, qui avait un cœur énorme. Elle s'est notamment beaucoup intéressée à la manière dont nous pouvons nous occuper des réfugiés syriens, à ce qui est juste dans ce monde. Elle avait beaucoup de cœur et de compassion. Suspendre les activités de campagne avant ce référendum est la bonne chose à faire. Les pensées de chacun vont à la famille de Joe et à ses électeurs en ces moments terribles. Le mari de Joe Cox, Brendan Cox, soutenait son épouse dans son combat politique. Hier, il a adressé un message de paix et a rappelé contre quoi sa femme se battait chaque jour, Nathalie Servet. Oui, un message poignant. Il raconte que son épouse croyait en un monde meilleur et s'était battue chaque jour avec beaucoup d'énergie. Elle voulait deux choses, dit-il. Un, que leurs enfants soient entourés d'amour. Deux, que tout le monde s'unisse pour combattre la haine qui l'a tuée. Joe Cox était une femme de gauche très engagée, très appréciée. Elle avait été élue il y a un an après une carrière dans l'humanitaire. Elle défendait le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Joe Cox sortait d'une permanence avec ses électeurs quand elle était abattue. On en sait un peu plus ce matin sur l'agresseur de Joe Cox. Oui, il s'appelle Tommy Mair. Il a 52 ans. Selon un groupe américain de défense de droits civiques, il est un partisan d'un groupe néo-nazi basé aux États-Unis. Mais pour le moment, impossible de savoir si son geste est politique. En tirant sur la députée, il aurait crié Britain First, c'est-à-dire le Royaume-Uni d'abord, ce qui pourrait évoquer le débat sur le Brexit. Mais Britain First, c'est aussi le nom d'un petit parti d'extrême droite. Le frère du tueur, lui, ne croit pas à un mobile politique. Il insiste sur le fait que son frère a été victime par le passé de troubles psychiatriques. Les voisins du tueur évoquent aussi un homme instable. Merci Nathalie. La campagne sur le Brexit est donc suspendue au moins jusqu'à demain au Royaume-Uni. C'est une info RTBF. Le gouvernement wallon va accorder un régime de faveur aux agriculteurs à propos de la pollution des eaux. Selon les normes européennes, 40% seulement des eaux wallonnes en surface ou souterraine sont de bonne qualité. Il reste donc du travail pour améliorer la situation. Le gouvernement régional a adopté récemment de nouvelles mesures. Selon le principe du pollueur-payeur, les citoyens seront encore mis à contribution pour les eaux usées. L'industrie devra aussi passer à la caisse. Par contre, aucune nouvelle mesure ne sera imposée au secteur agricole. Inadmissible pour certains, normal selon les agriculteurs. Les explications de Rudy Hermans. En Wallonie, tout le monde est mis à contribution pour améliorer l'état sanitaire des eaux de surface et souterraine. Tout le monde, ou presque. Jean-Luc Martin est le président de la Société publique de gestion de l'eau. Quand on regarde les plans de gestion qui sont aujourd'hui approuvés par le gouvernement, l'effort, dans un premier temps, va essentiellement porter sur les eaux usées domestiques, un petit peu sur les eaux usées industrielles et fort peu sur les eaux usées agricoles. Même constat du côté d'Inter-Environnement Wallonie, Gaël Warnon. Quand on voit le bilan et la tendance à la dégradation de certaines masses d'eau, il y a lieu de réagir. Il faut prendre des mesures aujourd'hui. Et ce qui nous semble important, c'est aussi que le secteur contribue un minimum. Montrés du doigt, les agriculteurs rappellent qu'ils ont déjà fait beaucoup d'efforts et qu'ils en font encore pour limiter le ruissellement des effluents d'élevage, par exemple, ou en termes d'épandage. Laurent Gaumont est lui-même éleveur et il estime ne pas pouvoir en faire plus. Oui, on trouve ça normal qu'il y ait une certaine pression environnementale. Tout ça a un coût. Mais ces coûts, on ne sait pas les répercuter sur nos acheteurs. Et c'est la position du gouvernement wallon qui préfère attendre de voir les effets des mesures déjà prises avant d'en imposer d'autres aux agriculteurs. Carlo Di Antonio. Effectivement, on peut avoir des procédures très dures mais qui sont inapplicables sur le terrain, ou au contraire, essayer d'être un peu plus pragmatique et de discuter avec les agriculteurs pour améliorer la situation. Pour plus d'objectivité dans ce débat, des relevés plus précis sont en cours pour tenter de déterminer plus finement qui pollue, comment et où il pollue. Attention, si vous devez prendre l'avion aujourd'hui, certains bagagistes de Bruxelles Nationale sont en grève depuis l'aube. La direction de l'aéroport est en train de mesurer les conséquences concrètes, mais elle dit qu'il est possible que certains avions décollent sans avoir embarqué tous les bagages. Une action spontanée du personnel de Swissport, l'une des sociétés qui gère les bagages à Zaventem, pour dénoncer un manque de personnel. Et puis les demandeurs d'emploi risquent de trouver porte close aujourd'hui dans les centres du Forum en Wallonie. La CGSP va bloquer des entrées. Le personnel du Forum trouve qu'il a trop de travail depuis la dernière réforme de l'État et le transfert de compétences de l'État fédéral aux régions. Les deux autres syndicats, chrétiens et libéraux, ne participent pas à ce mouvement de grève. L'agresseur du commissaire Van der Smissen doit être jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Un militant de la FGTB qui avait porté des coups au commissaire de police lors d'une manifestation le 24 mai dans le centre de Bruxelles. C'était il y a moins d'un mois, une procédure de justice accélérée, donc une pratique tout à fait légale, mais qui choque le spécialiste en droit pénal Pierre Chaumet. Il dénonce une forme de discrimination. C'est une enquête, je dirais, fast-food, qui, moi, me choque très fort parce qu'on crée une forme de justice de classe. C'est souvent des gens qui sont assez démunis, qui sont comme ça jetés dans un prétoire en quelques semaines, qui n'ont pas le temps de réaliser. D'aucuns diront qu'ici, c'est un manifestant qui a tapé sur un policier. Lorsque des policiers tapent sur un manifestant, ça prend 3-4 ans d'enquête avant d'arriver au tribunal. Oui, on a une justice à deux vitesses. On va se dire que sur le plan policier, on est souvent plus prudent parce que ce sont des représentants de l'ordre. Donc, ils ont une possibilité d'user de la force et il faut simplement examiner si c'est proportionné, si c'est justifié. Il y a en plus enquête interne, audition de collègues. Donc, forcément, c'est rarissime, pour pas dire inexistant, qu'ils puissent être jugés aussi rapidement. L'avocat pénaliste Pierre Chaumet, interrogé par Roland Brunel. Les commerçants du centre de Bruxelles ont obtenu partiellement gain de cause. Le vaste piétonnier récemment créé sera en partie rendu aux voitures, notamment du côté de la place de Brouckère. La seule zone 100% dédiée aux piétons se situera à l'avenir entre la place de Brouckère et la place de la Bourse. Nouvel hommage au couple de policiers tués lundi en France. François Hollande présidera aujourd'hui une cérémonie officielle en présence de 3000 policiers. Par ailleurs, un autre hommage a été rendu en France. C'est celui qui a été rendu à un héros de la tuerie du Bataclan, un vigile du Bataclan qui a sauvé environ 200 personnes le 13 novembre en faisant des allers-retours dans la salle de spectacle alors que les assaillants étaient toujours sur place. On le surnomme Didi. Par modestie, il veut garder l'anonymat. Depuis hier, Didi est français et il avait demandé sa demande de naturalisation avant les attentats et son dossier était solide, mais son acte de bravoure a accéléré les choses. Sandrine Etoa Andeg a assisté à la cérémonie. Cher Didi, la République vous souhaite du fond du cœur la bienvenue. Après la cérémonie officielle... Vive Didi, vive la République et vive la France. Les rescapés n'attendaient que ça, saluer et féliciter Didi, leur héros. C'est pas tous les jours qu'on assiste à ça. La commémoration de son héros, ouais. Mais change ta sonnerie de portable, s'il te plaît. Et le chambrer comme un ami. Allez boire un verre, tranquille. Ouais, ouais. Allez. Et Bernard, il est sympa. Elle est directeur du Bataclan, ses collègues vigiles, sa femme et leur fille de 10 jours, sa maman sont là. Je suis fière, mon fils est là, sauvé beaucoup de têtes, en plus il est là, Louis. En costume noir, le sourire modeste, l'agent de sécurité est presque gêné d'être sous les projecteurs. Ces personnes qui ont perdu la vie au Bataclan et dans les attentats, et leurs familles qui doivent porter le deuil tous les jours. Pour moi, ça a toujours été eux les véritables héros de cette histoire. Moi, on peut me parler d'abnégation, de courage, de sang-froid. C'est vrai, j'ai fait preuve de tout ça ce soir-là, mais héros, ouais, j'ai jamais voulu qu'on me colle cette étiquette forcément. Mais Myriam, hôtesse de l'air pétillante, en rajoute. Pour moi, Didi, c'est mon sauveur, c'est mon héros, c'est celui à qui je dois d'être là à vous parler, c'est à lui que mon bébé doit d'avoir une maman. Et conclut, maintenant j'attends qu'on lui donne la Légion d'honneur. Aux États-Unis, Barack Obama était à Orlando cette nuit. Il a rendu hommage aux victimes de la fusillade de la boîte gay, le Pulse. Barack Obama a surtout rappelé qu'il fallait revoir la loi sur les armes. 8h11, c'est le 8-9 Sport. Et tous en éveil à 24h du match contre l'Irlande. Mark Wilmots a donc remobilisé ses joueurs à l'Euro. On avait senti de la déception et beaucoup de frustration dans le chef de certains Diables Rouges après la défaite face à l'Italie. À la veille de leur deuxième match, les Diables Rouges semblent être passés à autre chose, François Zaleski. Oui, Mark Wilmots veut en tout cas que chaque joueur se sente concerné. Hier, il a profité du retour à l'entraînement d'Eden Hazard et de Kevin De Bruyne pour effectuer des simulations de match à 11 contre 11. Le sélectionneur a aussi pris la peine de discuter avec certains joueurs frustrés. Il ne veut pas rajouter de la pression sur les épaules des joueurs, une pression déjà trop présente à son goût. Ah, tu sais, la pression, elle est là depuis le début, vous l'avez mis depuis le début, donc il y en a beaucoup qui ont oublié d'où on vient, à 4 ans. Donc, je crois qu'on avait fait un parcours assez exceptionnel jusqu'ici. Maintenant, vous attendez une victoire finale. J'ai toujours été, moi, les deux pieds sur terre. Je suis un fils de fermier. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, donc mes pieds sont bien sur terre. Après, on aura analysé, tout le monde aura son idée. Moi, je ne changerai pas. Mark Wilmots qui ne changera pas. L'équipe, elle, devrait changer un petit peu demain. La présence de Kevin De Bruyne sur le terrain n'est plus garantie. Le sélectionneur a aussi laissé entendre qu'il souhaitait des défenseurs plus offensifs sur les flancs. Et du côté des supporters, François, là aussi, on essaie de retrouver une attitude positive. À eux aussi, ils ont dû se remettre de cette déception italienne, un peu à l'image des joueurs d'ailleurs. Les supporters présents à Bordeaux semblent maintenant reprendre confiance. Bon, on va gagner. On est confiant. Est-ce qu'il y a comme eu un certain abattement, comme chez les joueurs, chez les supporters belges? Ah oui, on a eu un avant-match et un post-match. C'est vrai qu'on a eu un coup sur la caboche. Bah, le sentiment, on a ramassé une douche froide, évidemment. On espère un mieux, évidemment, maintenant à Bordeaux. On espère de gagner à la fin, quand même. Des interviews recueillies par nos envoyés spéciaux auprès des Diables Rouges, Manuel Jousse et Thierry Luthers. Et aujourd'hui à l'Euro, 3 matchs, dont Italie-Suède dans le groupe des Belges à 15h. Dans la foulée, vous pourrez suivre République Tchèque-Croatie et Espagne-Turquie. Pour rappel, hier soir, l'Allemagne et la Pologne se sont quittés sur un 0-0. Anderlecht s'est enfin trouvé un nouveau coach après plusieurs tentatives manquées auprès d'entraîneurs plus connus. Les Mauves se sont rabattus sur le Suisse René Weiler. À 42 ans, son expérience n'est pas très fournie, mais il est présenté comme un coach offensif qui donne la chance aux jeunes. Et puis les athlètes russes sauront aujourd'hui s'ils sont oui ou non autorisés à participer aux Jeux Olympiques de Rio cet été. La question s'était posée suite aux révélations de corruption et de dopage dans l'athlétisme russe. Et puis la fête de la musique commence aujourd'hui. Des dizaines de concerts gratuits seront proposés jusqu'à mardi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et s'il y en a un que vous ne devez pas manquer, c'est peut-être celui de Musti. Musti, on avait fait sa connaissance dans le 8-9 il y a quelques temps. Et après l'avoir vu à l'œuvre en concert, on peut vous dire que c'est une bête de scène, une présence incroyable et une communication de tous les instants avec le public. Musti, de son vrai nom Thomas Mustin, c'est aussi un comédien. On l'a vu dans la série télé La Trêve, au Théâtre National et bientôt au cinéma. Bref, tout semble réussir à ce jeune homme de 26 ans. Françoise Barré a rencontré Musti à la veille d'un été très chargé car Musti sera de tous les festivals. Bien avant d'être Musti, Thomas chantait déjà dans le jardin à la danse des canards. J'ai toujours voulu devenir acteur, en fait. Ça, je le savais vraiment depuis tout petit. La musique, par contre, c'est vraiment venu tard. Ça, c'était plus une surprise. Il savait qu'il voulait être comédien. Il ne connaît pas le solfège. Il n'a pas pris de cours de piano petit. Et puisque tout le monde l'appelait toujours Mustin et pas Thomas, il sera Musti avec un double I pour la scène musicale. Le live, il doit y avoir quelque chose de l'ordre du rituel, quoi, un peu du sacré. Et moi, j'aime bien aller voir des artistes en live quand il y a cette espèce de plongée dans un univers. Je trouve qu'on ne va pas juste voir un live pour écouter de la musique ou pour et parler à son voisin et boire une bière en attendant. Il faut vraiment essayer de créer un univers, une théâtralité. Musti brûle les planches et devant ou derrière la caméra. Sur scène, quand il interprète ses propres textes et musique, ce qu'il souhaite, c'est rencontrer chaque spectateur les yeux dans les yeux. Ça doit être intense, on doit sentir de la vie, on doit en ressortir avec quelque chose de créateur et de positif. Parce qu'il faut une intro au show, il faut une fin, il faut des péripéties et varier les rythmes. J'aime bien voir ça comme un film, quoi, comme une espèce d'œuvre imagée. Quoi. Donc c'est toutes mes émotions à la loupe. Musti, c'est un visage poupin, un sourire enjôleur, un regard bleu acier et beaucoup de générosité. Tous les ingrédients y sont pour, comme d'autres, mettre le feu. Musti à la fête de la musique, donc demain soir sur la Grand Place de Nivelles et mardi au Studio 4 de Flagey. Vous ne m'enleverez pas que ça me fait toujours penser aux bébés. Vous voyez les produits Musti pour les bébés, ça, vous voyez? Ah, ça me fait penser. Ouais, c'est pas voilà. Faux. C'est vous pas me dites faux. Musti, je pense talc, je pense fesse. Et le petit chat aussi, un petit chat Musti. Ah oui, le petit chat, oui. Ouais. Oh. Et vous pensez à quoi alors? Jérôme, il fait des gestes. Non, c'était la bouche bah, de Musti. Musti. Ah oui, parce qu'il a une bouche en croix. Vous, ouais. Vous pensez talc et fesses, moi je pense petit chat pour les enfants. Du coup, il a pensé X avec votre croix. Oui, je après les fesses. Je comprenais pas, enfin. Oui. Laisser Katsuni en dehors de Musti, ça n'a rien à voir. Quand même que très souvent, vous évoquez cette icône, c'est Katsuni. Eh bien, excusez-moi, j'aime le 7e en art. Plus. Oui, c'est Mi. Oui. Bon, 8h16, voici un nouveau 8-9. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Le topo sur la route nous emmène bien sûr sur le 40 où ce camion sur le flanc eh bien, est toujours en train de monopoliser votre attention. 35 minutes de temps d'attente, ce qui veut dire que ça a quand même été réduit méchamment. Ça commencerait à recirculer de ce côté-là avec toujours le seul passage qui est la bande d'arrêt d'urgence pour passer donc à hauteur de Berlot. Benoît Ferrière, qu'en est-il du reste de la circulation liégeoise? Eh bien, la situation est plutôt calme sur Liège avec quelques petites minutes de perdu en direction de Bruxelles sur la E40 à hauteur du viaduc d'Herstal, mais vraiment quelques-unes. Sinon, sur le centre-ville, eh bien, quelques ralentissements à constater à l'arrivée à Sainte-Marie de la 602, mais ça continue à rouler aux alentours de la rue de Bruxelles et de la place Saint-Lambert, mais là aussi, pas de problème majeur. Donc on peut dire que c'est un vendredi vraiment calme. Et on ne va pas s'en plaindre, sauf sur cet endroit, évidemment, le 40. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent la fête de la musique à Liège. Du 17 au 21 juin, c'est parti pour 5 jours de musique, 40 scènes et plus de 150 concerts gratuits. Tous les lieux et le programme sur fêtedelamusique.be. Une organisation de la ville de Liège et de PAC Liège avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la province de Liège, Sabam for Culture et Le Soir. Oh là là, Marc, t'as remarqué que ta voiture était complètement abîmée par la grêle? Hein? T'es sûr? Oh oui, et j'ai eu le même problème. Mais heureusement, je suis allé à la carrosserie Piron. Ils m'ont fait un check-up gratuit. Et en plus, ils sont réparateurs grêle agréés par toutes les compagnies d'assurance. Tu devrais leur demander de jeter un œil. Ils sont dans le zoning des Plaines à Thimistère-Clermont et sur piron.be. Ça va swinguer à Visée. Du 16 au 19 juin, grande braderie et ambiance festive. Samedi et dimanche, 30 ans du festival de jazz. On sort les tonnelles. Parking gratuit et animation. Magasiné à Visée ce week-end. Avec qui a donné? La parfumerie Eve et la papeterie Wagelmans à Visée. En juin, profitez des Summer Deals chez Toyota. Super remise sur toute la gamme, plus extra remise sur une sélection de véhicules de stock. Les Summer Deals avec double remise, c'est maintenant chez Toyota. Plus d'infos sur toyota.be. Vivacité et la 2 présente les Bikers Classics. Les 2 et 3 juillet, la MotoGP fait son retour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Lifestyle Village consacré aux café racers. Parades, concerts, courses d'endurance et présence de champions tels que Giacomo Agostini, Christian Sarron ou Bradley Smith. Tickets et informations sur bikersclassics.be. Un événement DG Sport.

Juliette, elle veut travailler au sein d'une petite équipe. En fait, elle déteste les grands bureaux paysagers et son mercredi de libre, c'est sacré. Derrière notre moteur de recherche rigoureux se trouvent des consultants Randstad sérieux. Prenez rendez-vous pour un entretien personnel. Jetez un coup d'œil sur randstad.be. Randstad, good to know you. Vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce vendredi. On en sait un peu plus ce matin sur l'agresseur de Jo Cox, la députée britannique assassinée hier après-midi. Un homme de 52 ans qui aurait connu des problèmes mentaux, selon son frère. Officiellement, rien ne dit pour le moment que ce meurtre est lié à l'action politique de Jo Cox qui militait pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Europe. Info RTBF, les agriculteurs wallons vont bénéficier d'un régime de faveur dans la lutte contre la pollution des eaux. Le gouvernement régional a décidé de faire porter l'effort sur les citoyens et l'industrie. L'agresseur du commissaire de police Pierre Van der Smissen sera jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel, un militant FGTB qui s'était spontanément présenté à la police. À l'Euro, Italie-Suède dans le groupe des Belges à 15h cet après-midi, ensuite République tchèque et Croatie-Espagne. Elles arrivent et elles seront bientôt là. Les averses viennent de la France et se dirigent vers notre territoire. Puis accalmie, puis orage, puis les températures, 18 degrés, tout est dit. 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Chez Macro et Métro, c'est ce matin à 9h qu'aura lieu à Anvers la première rencontre direction syndicat depuis l'annonce d'un nouveau plan de restructuration. Plus de 500 emplois sont menacés, dont 83 au seul Macro d'Halleur. Marquis de Seim, quel est l'ordre du jour de la réunion ? Eh bien, en réalité, il s'agit uniquement de fixer le planning des futures rencontres, des futures négociations entre direction et syndicat, bien sûr, dans le cadre de la procédure Renault sur les restructurations d'entreprises. Avant d'entrer dans le vif du sujet, avant donc de discuter plan stratégique, volet social, eh bien, les représentants du personnel, ces jours-ci, sont en train de prendre le pouls des travailleurs pour connaître précisément leurs inquiétudes et les relayer ensuite à la direction. Pierrot Gréco, délégué CNE au Macro d'Halleur. Pour le moment, ce qu'on fait ici dans le magasin, on demande à tout le personnel de poser toutes les questions qui leur passent par la tête. De combien je vais toucher, est-ce que j'y ai droit ou est-ce que je peux rester, vraiment toutes les questions. Des assemblées du personnel seront organisées dans la foulée la semaine prochaine, notamment au Macro d'Halleur. C'est ça. Est-ce que le magasin d'Halleur est à nouveau, comme il y a 2 ans, le plus impacté par cette nouvelle restructuration ? Oui, parce qu'au total, il y a 505 personnes qui doivent partir, au total. Et ici, à l'heure, bon, il y a quand même 83 personnes. Donc, sur 6 sièges, nous sommes encore le plus impactés. Oui, sachez que le magasin Métro de Droix devrait, en revanche, être épargné par ces pertes d'emplois. Il y a 2 ans, je vous le rappelle, 350 travailleurs avaient déjà dû quitter le groupe. La direction a précisé ici qu'il n'y aura pas de licenciement sec. En front commun, les syndicats sont bien décidés à lui faire tenir sa promesse. 80 lettres de remarques sont arrivées à l'administration communale de Theux à la suite de l'enquête publique dans le dossier Charrue, une enquête qui s'est clôturée hier et qui porte sur un projet de construction de 63 logements sur un site très proche du centre-ville. Un dossier Olivier Tunus qui ne fait donc pas que des heureux. Le dossier avait été recalé une première fois au niveau du collège communal. Une deuxième enquête publique avait débouché sur un vice de forme et c'était donc la troisième enquête qui était réalisée. Elle a enregistré plusieurs dizaines de remarques, mais il faudra voir s'il ne s'agit pas de copier-coller d'une même lettre. Les remarques des riverains portent essentiellement sur des questions de gabarit, de volume et de disposition des bâtiments. Le parti écolo s'est lui aussi opposé au projet, même s'il estime la zone favorable à un tel lotissement. Il considère toutefois que le projet ne remplit pas la moitié des critères d'un quartier durable et regrette l'absence d'études d'incidence. Les réclamations seront maintenant analysées par l'administration. Une réunion de concertation sera probablement prochainement organisée entre les réclamants et le promoteur du projet. Ce n'est qu'ensuite que le dossier sera transmis à la fonctionnaire déléguée de la région Wallonne pour un octroi ou un refus du permis d'urbanisme. Un mystère plane depuis plusieurs semaines à Marneffe, un petit village de Burdine. Le mystère du lapin blanc. Il se déplace la nuit et dépose des plantes en pot devant les maisons. Il y a quelques jours, il a également disposé des bacs de plantes sur la place du village. Le bourgmestre les a fait déplacer sur l'ancien terrain de foot du village. À aucun moment, ce lapin blanc n'a montré ne serait-ce que le bout de ses oreilles. Les supputations vont donc bon train. C'est un reportage à Marneffe. Signé Martial Gilles. À Marneffe, la faune locale ne semble guère perturbée par l'arrivée du lapin blanc, ou sans doute des lapins blancs. Ils ont été filmés dans certaines propriétés où ils étaient carrément entrés par l'arrière chez les gens déposer cette plante. Ici, chez papa, il a eu deux petites plantes. Chez le voisin, chez ma sœur. Papa, lui, 85 ans, il a pris ça à la rigolade, il a acheté une fleur comme ça. Mais à la réflexion... Pourquoi ne pas aller frapper à la porte des personnes? C'est peut-être penser fort loin, mais... N'était-ce pas dans une perspective de peut-être venir visiter les maisons après? Enfin, le fait qu'ils aient fait ça la nuit, c'est malsain pour moi. À l'inverse. Au début, j'ai trouvé que c'était quand même très, très troublant. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui veut faire passer un message. Il se propose surtout qu'on se retrouve tous ensemble, tous les gens de la place. Du côté des enfants de Marnef. Les écolos, moi, je pense. Donner des fleurs, c'est gentil, c'est pas important la nature. Peut-être aussi qu'ils veulent nous réunir, toutes les personnes de Marnef, pour qu'on se rencontre tous et qu'on se connaisse. Donc vous n'en avez pas peur, vous, du lapin blanc? Non. Et le bourgmestre de Burdine, Luc Gustin, vous ne pas se préoccuper de l'identité de ce lapin blanc. Il n'a pas souhaité s'exprimer publiquement pour ne pas relancer l'affaire. Il avoue tout de même qu'il vient de recevoir un courrier du lapin blanc demandant que les bacs soient replacés sur la place du village de Marnef. En sport, en cyclisme, à deux semaines du Tour de France, le Ster ZLM Tour se déroule en ce moment aux Pays-Bas avec une étape 100% belge prévue demain dans les Hautes-Fagne. Le départ de cette quatrième et avant dernière étape sera donnée à Verviers. L'arrivée aura lieu sur le site du barrage de la Gileppe. Cette étape longue de 186 km est à juste titre considérée comme la plus sélective de ce Ster ZLM Tour. C'est ce que nous explique Pierre Pirard, président du Loto Vélo Club Ardennes et co-organisateur de l'étape. On arrive pour la sixième ou septième fois sur le barrage de la Gileppe, un site vraiment exceptionnel pour une arrivée d'étape. Donc c'est une classique, le parcours n'a vraiment pas changé. On va passer par le Morigui, la baraque Michel, et on va aller chercher les côtes comme le Rosier, on va aller chercher la Redoute, pour revenir sur le site de la Gileppe où il y aura deux circuits locaux, où donc les spectateurs pourront voir passer trois fois les coureurs. Une interview signée Pierre Capard en tennis. Je vous rappelle que David Goffin sera opposé à Roger Federer aujourd'hui en quart de finale du tournoi de Halle en Allemagne. Il y a 9h, c'est vous qui le dites, trois débats sur la table. Mardi, alors qu'il avait examen, le contrôleur du train a débarqué Maxime, 13 ans, parce qu'il avait oublié son abonnement, tout seul sur un quai, ce jeune homme. Est-ce que le contrôleur a bien agi? Le règlement, c'est le règlement. Ensuite, les policiers qui demandent à pouvoir porter leur arme tout le temps, quand ils rentrent à la maison, quand ils ne sont pas en service, doit-on l'accepter ou vous y voyez un risque? Et puis, nouveauté pour les poubelles. Wallon, vous devrez désormais tous trier les restes de nourriture et les mettre à part. Est-ce que ça arrange tout le monde? Marion Jomotte, le standard. Est ouvert. Et c'est la dernière fois que vous avez l'occasion cette semaine de joindre le standard pour donner votre avis. Alors décrochez votre téléphone et composez au plus vite le 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Le débat a déjà commencé sur la page Facebook de C'est vous qui le dites et il ne s'arrêtera jamais. Bon, on va sur la route et apparemment c'est en train de se résorber du côté de l'E40 au niveau de Berlot, Benoît. Oui, tout à fait. On compte encore une grosse dizaine de minutes de retard. Donc, de toute évidence, le véhicule, le camion, a été dégagé. Donc, on peut recirculer au-delà de la bande d'arrêt d'urgence. Tant mieux, tant mieux. Du côté de Liège, là aussi, quelques petits ralentissements nettement moins conséquents. Vous allez voir, deux minutes de perdu à hauteur de la tranchée de Serrat en direction de Bruxelles. Quelques tout petits ralentissements encore à constater dans le sens descendant depuis Buranville vers Saint-Lambert. Sinon, tout est vraiment, vraiment en train de rentrer dans l'ordre et tout est calme. Et c'est très bien comme ça. Mais de quoi nous plaignons-nous finalement? Ah bah de rien. Sur le 411, ça freine aussi aux endroits habituels, entre Overijs et Léonard. Et puis sur le 40, bah vous savez où ça freine. Hein, c'était au niveau de Berlot, c'est en train de se résorber. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Bonjour, c'est Divo Corrigui. Comme Vivacité, je suis complètement fou. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Fred, vite, il y a une éclaircie. On se ferait pas un petit barbecue? T'inquiète, je fonce chez Red Market. Il y a tout ce qu'il faut pour un barbecue réussi à petit prix. Et invite une brochette d'amis. Oh, ce Fred Market, toujours le bon plan. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeppe-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Dit de Vos, où est l'MNC? J'ai ici un message pour tous les profs peaux de vache. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les jeunes trop durement, alto basse cote des cocoteurs. Dis, ces histoires de cote, ça me donne envie d'andalouse et de cote à l'os. Oui. L'andalouse préférée des cocoteurs, la voilà. De Vos les mains. La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale présentent Je réussis, une collection de cahiers de vacances de 56 pages rédigés par des enseignants belges. Avec un cahier par classe, de la 3e maternelle à la 6e primaire, votre enfant gardera en mémoire tous les acquis de l'année écoulée. Les cahiers de vacances en vente dès maintenant au prix de 5,90€ chez votre libraire. Marre des mauvaises herbes? Maintenant chez AVV, 20% sur les désherbeurs thermiques et les accessoires. AVV, tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Chez Decathlon et sur decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons. Mais aussi pour tous les... Et les gars, il y a des belles vagues! Sors la planche! Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. De 8 à 9, le 8-9. Il était une fois donc un salarié qui travaille dans une émission qui dure une heure et qui arrive 39 minutes plus tard. Mesdames et messieurs, Pat Allaine. Alors, quelle est l'excuse ? Reste assis. Quelle est l'excuse pour... Un énorme camion plein de gravier renversé sur le 40. Oh, merci beaucoup. Et vous avez aidé à remettre le gravier dans le... En partant 6h30 de Liège. Oh, merci. Hein. Et là, tu vois son regard qui rigole pas du tout. Je t'ai fait un petit pouette dans le cou. Alors... Pouettez-moi, Benjamin, pouettez-moi. Et vous avez pris la guitare quand même ? Oui, je l'ai prise. Eh ben, tu retournes. Ah ben non. Bonjour tout le monde. Bon alors, bonjour. Vous placerez Marie-Jeanne, vous placerez Gaulle, vous placerez Gaufre et Sébastien, souvenez-vous, mercredi avait un peu débarqué dans le 8-9 sans savoir où il était. Il nous a glissé hors antenne le mot champion. Ce sera à Poitiers tout à l'heure. Sarah, nous irons où? Alors pour Wallonie Weekend, bienvenue. On ira manger des insectes façon gastronomique. Et on ira visiter une communauté hindoue, Radadesh, près de Durbuy aussi. Radadesh. Mais vous avez l'art. Et on ne se moque pas. Ah ben non, vous avez l'art de prévoir. Très beau château d'ailleurs. Ouais, exactement. C'est original. 8h40, pensons déjà à l'été. Vous savez que la saison des festivals s'ouvre un petit peu partout. Il y a un festival à ne pas manquer. Du 5 au 14 août, c'est le BSF à Bruxelles. 4 lieux, la Madeleine, la Place des Palais, le Mont des Arts ou encore dans la salle des guichets de visite Brussels. Le boss du BSF est avec nous ce matin, Denis Gérardi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on voit qui y a dans le programme et puis on discute. Ça marche? Ça marche. Vous me dites à chaque fois, et c'est là qu'on voit si vous connaissez toutes les scènes, sur quelles scènes ils sont. Il y aura lui. Listen to the mariachi play at midnight. Quelle scène? Place des Palais. Bien joué. Il y aura lui. C'est qui? Place des Palais. Ça, c'est Louane. Ça, c'est Louane. J'ai reconnu la petite Louane. Et avant, c'était Lost Frequencies. Il y aura lui. C'est Place des Palais également. C'est Place des Palais. Ah, c'est tout Place des Palais. Attends, ouais, c'est suivant. C'est du lourd. Ouais, ça, c'est au Mont des Arts. Ouais, suivant. Mont des Arts également. Mont des Arts, ok, suivant. Manoir. Ça, ce sera à la Madeleine. Emma Belle. Suivant. Ce sera d'ailleurs une soirée vivacité. Grande Sophie. La Grande Sophie à la Madeleine. Ok, suivant. Vous avez bien préparé votre interview. Oui. La Madeleine, voilà. Le Grand Georges. Eh ben, merci d'être venu ce matin, Denis. Eh ben voilà, je fais 10 sur 10. Et un mot sur le visuel. Les chanteurs, maintenant, vous les avez. Un mot sur le visuel. Cette scène qui est sur la Place des Palais, c'est quand même un événement. Donc, la scène, le palais est à gauche, est à droite, il est devant, il est derrière, parce que ça, c'est un cadre, comme même Werchter n'en a pas, et autres festivals d'ailleurs. Ouais, c'est un décor tout à fait naturel et il faut dire que pas mal d'artistes, notamment étrangers, anglo-saxons, ben viennent au BSF parce que ils voient le cadre. Et souvent, plusieurs artistes nous ont déjà dit ben jouer devant l'Élysée ou Buckingham Palace, ça peut pas se faire. Ouais. Mais chez vous, vous êtes complètement surréaliste et jouer devant le Palais Royal, ah, c'est génial. On y vient. Vous savez si Mathilde vient de temps en temps au balcon? Vous avez eu des infos du Palais ou pas? Eh bien, chaque année, le drapeau n'est pas là, donc j'imagine qu'ils ne sont pas là pendant le festival. C'est dommage. Ouais. Alors discutons deux secondes de l'actualité, vous êtes tombé le mauvais jour. Hein. Page 20 de La Libre ce matin, festival, le cocktail détonnant, sexe, drogue, alcool, hygiène. C'est une étude sur les jeunes de 14 à 30 ans qui nous apprend que 10% des jeunes font l'amour sans préservatif dans les festivals. Qu'est-ce qu'il en peut, le monsieur? Il organise un festival. Eh bien, il organise un festival. J'ai lu cette étude et ça m'a bien fait rire. Et devant le Palais Royal, ça me ferait bien rire. C'est pas la même ambiance qu'à Werther et tout, quand même. Non, c'est un festival urbain et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les mêmes caractéristiques que d'autres festivals qui se déroulent dans des plaines où il y a des campings, où il y a beaucoup de choses. C'est assez différent comme ambiance. Maintenant, je pense que le public fait autant la fête que sur d'autres lieux. Surtout qu'il y aura pas mal de sécurité, non? J'imagine. Évidemment. Cette année-ci. Mathilde lance des préservatifs. Ah ben c'est la reine, c'est la reine de tout le monde. Vous sentez un impact sur les chiffres parce qu'il y a évidemment tout le contexte à Bruxelles. On le sait, et le soir annoncé la semaine dernière que tous les festivals, quelle que soit la zone d'ailleurs en Belgique, étaient en légère diminution pour l'instant. Pour une fois, il y avait des festivals qui n'étaient pas sold out. Et on se demandait si c'était l'impact crise ou si c'était les affiches qui ne se renouvelaient pas suffisamment. Bah, je pense qu'il y a plusieurs choses. Nous, je vais dire, et il ne faut pas tirer, crier cocorico tout de suite, on est en avance, nous, sur nos ventes par rapport à l'année passée. Ce qui pourrait paraître étonnant vu le contexte, mais nous avons à peu près pour le moment 40% de ventes en plus que l'année passée. Donc je pense qu'il n'y a pas ce réflexe Bruxelles, on ne vient pas parce que tout ce qu'on entend, hein, vous avez... Alors quel genre d'homme êtes-vous? On va faire un tour de table là-dessus. Quel genre d'homme êtes-vous en festival, sac à dos ou pas sac à dos, Jérôme, en ce moment, vu le contexte, hein, donc c'est l'enjeu pour les organisateurs. Je pense qu'on ne peut... Oui, non, sac à dos ou pas sac à dos? On peut rentrer avec un sac à dos. Donc vous diriez plutôt pas sac à dos. Sarah, sac à dos ou pas sac à dos? Mais on peut avec un sac à main. Bah sac à main, on peut, mais sac à dos. Vous êtes pour ou contre en festival? Non, alors. Elle répond oui, non à tout. Je suis malade. Enfin, écoutez, c'est facile. Écoutez, bon. Ouais, bon, mouillez-vous. Si ça prend trois heures. Vous êtes pour ou contre le sac à dos en festival? Vous me stressez, pour. Alors, voilà, Pat. Moi, je ne vais jamais dans les festivals, donc je. Donc il s'abstient. C'est des bons camarades autour de la table. Sarah, pour ou contre? Pour. Mais il y a pas de piège. Vous avez l'air de réfléchir. Mais non, parce qu'on se pose la question évidemment. Mais oui. Comment on réagirait si on voyait quelqu'un avec un gros sac à dos? Voilà, c'est horrible à dire. C'est pour ou contre le gros sac à dos au BSF? Bah, c'est-à-dire qu'il y aura des sacs à dos. On peut pas les interdire. C'est comme. Enfin, je trouve c'est tout à fait normal. La seule chose, on va quand même déconseiller de venir avec des gros sacs parce que qui vient avec des gros sacs va devoir aller dans des files où il y a des fouilles et ça va prendre beaucoup de temps pour rentrer. Ouais. Donc plus le sac sera petit, plus la personne pourra rentrer rapidement sur le site. Bah ça, c'est un bon slogan. Voilà. Plus le sac est petit, plus tu peux rentrer. Mais c'est rassurant aussi. Rapidement. Ouais, c'est voilà. Los Requensis, Cœur de Pirate, Louise Attaque, Overphony, Canoir, Emma Bay, La Grande Sophie Grandjean, je ne peux pas tous vous les citer parce qu'il y a une affiche qui est incroyablement grande et énorme avec une diversité dans les artistes. Le prix pour un pass 10 jours? Eh bien, le prix jusqu'au 21 juin à minuit, c'est de 55 euros. Donc 5,50 euros par jour pour voir c'est tout. C'est pas cher. C'est pas cher, ouais. Fait. Et si je suis le 21 juin à minuit 2? Eh bien, ça passe à 65 euros. Ça passe à 65 euros, enfin, comme l'année passée. Ça reste très abordable, bien sûr. Ce qui reste totalement raisonnable. Un mot rapido sur le type de scène, et puis on en reste là. Donc, Place des Palais, on a dit. La Madeleine, c'est en formule salle de concert ou c'est La Madeleine, c'est en formule salle de concert, salle de 1050 places. À l'intérieur. Mm-hmm. OK. Mont-des-Arts. Scène 8500 à 9000 places disponibles. Donc, vous voyez, ce sont les marches qui sont près de la gare. C'est magnifique. C'est un superbe endroit, qui est une sorte d'amphithéâtre naturel. Ouais, et vous avez une vue sur l'hôtel de ville de Bruxelles qui est magnifique. À cet endroit-là. Et puis, le club de la salle des guichets de Visit Brussels. Oui, alors là, ça se trouve vraiment Place Royale, donc en face de la Place des Palais. Ouais. C'est un petit lieu de à peu près 200-220 personnes. Et là, c'est vraiment pour y pousser des artistes émergents, comme on l'avait fait il y a deux ans, par exemple, avec Christine Anne de Queens, qui était venue dans un Magic Mirror devant 200 personnes. La tête d'affiche pour vous, c'est qui dans le BSF de cette année? Personnellement, j'en ai deux. Allez, j'ai Peter Doherty et j'ai quand même Louise Attaque, dont pour moi, c'est un des meilleurs albums que j'ai entendu en français depuis ces dernières années. Il y aura un bar à Mojito. Mais bien sûr. Ah bah alors, on a pensé à vous. Et des bières. On a pensé à Sarah aussi. Alors voilà. Sarah, du 5 au 14 août, le BSF, et c'est donc en plein cœur de Bruxelles. 55 euros jusqu'au 21 juin, minuit 2. C'est mort, ce sera plus cher. Merci d'être venu ce matin, Denis Gérard. Merci à vous tous. Dans un instant, je me tâte. Vous avez la guitare ou pas, Pat? Non, il faut que j'aille encore dans la voiture. Allez, à Liège. Tu as une minute 57 de pub pour aller chercher ça dans ta voiture, refermer les portières, vérifier qu'elles sont fermées, remonter, d'accord, mettre une tenue d'apparat et ça pouette avec le live. Cours, Pat, cours! Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Vivacité et la Une présente Amadeus, la confrontation légendaire entre Mozart et Salieri. Amadeus, le grand spectacle d'été à l'abbaye de Villers-la-Ville. Prévente ouverte sur amadeus2016.be avec Audi Financial Services, Orez et Duvel. Comment bien manger quand... on veut savourer du poisson de saison. On fonce chez Deleuze. La saison des matchs a justement commencé. Ces délicieux poissons pêchés en Norvège, riches en oméga 3 et en protéines, sont en promo jusqu'au mercredi 22 juin. 3 plus 1 gratuit. Bon appétit. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. Mitsubishi. Attention, attention. Offre last minute sur la Mitsubishi i6. Prime de reprise incluse, le SUV compact et dynamique est à 15 990 euros seulement. Mais en nombre limité. Alors, dépêchez-vous. Toutes les infos sur Mitsubishi.be. Vivacité, la 2 et le Conseil de la musique présentent le village de la fête de la musique. Les 18 et 19 juin, retrouvez-nous au Parc du Cinquantenaire à Bruxelles avec Great Mountain Fire, Bachar Markalifé, Dan San, Max Romeo et plein d'autres. C'est gratuit. Tout le programme sur fêtedelamusique.be. Allez-y en transport en commun. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Sabam Fort Culture, Sud Presse et Grand Casino Bruxelles Village. En ce moment, chez Renault Néry, profitez de conditions incroyables sur tous nos modèles prêts à partir. Chez Renault Néry, offrez-vous une Renault 9 disponible immédiatement et bénéficiez par exemple de 3000 euros d'avantage sur une nouvelle Renault Mégane prête à partir et d'un kit hiver gratuit. Pour profiter de ces incroyables conditions, rendez-vous maintenant ou jamais chez Renault Néry à Fléron, Grivenier et Liège-Buranville. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Viva, viva. 8h, 9h. Le 8-9. L'homme est détendu, mais il ne devra pas croiser un routier aujourd'hui, sinon il ne sourira plus. Fatalène, donc, l'homme de la E40. Alors, vous devez placer Marie-Jeanne, Gaulle, Gaufre, Champion. Comment s'appelle cette œuvre à la guitare? Je n'ai besoin de personne quand on a l'été qui sonne. Wow. Ah, c'est une chanson un peu printanière qui va nous aider à faire jaillir la sève. Alors que la joie vienne, il est 8h50 et c'est en live. C'est allez-y, Pat. Je n'ai besoin de personne quand on a l'été qui sonne. Ah ouais, ça sonne. Non, je n'ai plus besoin de ma Simone. Marie-Jeanne est plus bonne. Il y en a un déjà. J'ai déjà le bourgeon en fleurs. On a la sève qui monte, c'est le bonheur. Allez, filles, mettez tout là. Il vous radie au balcon. Un message. Et oui, j'entends bien l'été qui sonne, j'ai pas besoin de son automne. Oui, la voisine est vraiment bonne, je suis de la tostostérone. C'est honteux, monsieur. Va faire beau, oui, va faire chaud. Je vais vite sortir mon petit oiseau. Je suis en pole position, les filles, c'est moi le champion. Et deux. Je n'ai besoin de personne quand il y a l'été qui sonne. Je n'ai plus besoin de ma Simone quand la voisine se donne. Ou de les Belges jouent mal au football. Oui, mais moi je vais lui marquer des goals. Je vais lui tirer des pénalties tout au fond de son lit. C'est cool, non? À fond. Vous semblez bien. Non, je n'ai besoin de personne quand il y a l'été qui sonne. Je n'ai plus besoin de ma Simone, la voisine me réclame. C'est ça. Pour butiner sa petite fleur, en même temps qu'une gaufre pour la saveur. C'est pas parce que je suis fermier que je peux pas labourer. Non, je n'ai besoin de personne quand il y a l'été qui sort. Grande classe, Pat Allen, et vous allez maintenant me réciter le Notre Père en compensation. Oui, parce que bon, je vous laisse le temps de la pause pour prier un peu. Le live est à revoir sur vivacité.be tout à l'heure. Dans un instant, Sarah et Wallonie Weekend, bienvenue. Vivacité présente les Francopholies de Spa. Dans le village francophone cette année, c'est la fête tous les jours. Avec entre autres, Ginsu, Cœur de Pirate, Buggy, Alice on the Roof, Suarez, iPhone. Plein les oreilles, plein les yeux, ça va être la folie au Franco du 19 au 23 juillet. Info, francophonie.be. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Vivacité présente... Bonjour. Entrez. Ah, bienvenue, venez. Je suis là. Qui c'est? C'est 18 et 19 juin à Incourt, Lobe et Durbuy. Partagez la passion de ces hommes et ces femmes qui font la Wallonie. Découvrez un patrimoine exceptionnel au travers d'artisans, conteurs, gastronomes et artistes. Info sur wallonie-bienvenue.be, une initiative de la Wallonie avec la Une le soir et 7 dimanche. Sony, la famille, c'est le plus important. Je sais. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa, alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la mama, ça fait 10 ans qu'elle est partie avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à conditions. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Le 8-9. Question d'intérêt général. Un entraîneur suisse pour Anderlecht, que va-t-il placarder dans le vestiaire mauve avant le début de la saison? Loulou Godet nous dit: plus que la technique pour gagner, ce qui compte c'est d'avoir les mentales de vainqueur. Gigi Massimo, c'est dans la veine, va falloir arrêter de jouer comme des trous de balle. Ouais. Voilà, la cuite du jour, le Belge n'est plus le plus taxé d'Europe, Charles-Michel estimant que les résultats commencent à porter leurs fruits. Que lui enverriez-vous pour le remercier? Bon, vous répondez sur la page Facebook du 8-9 qui est à votre disposition, Facebook, et sur vivacité.be. La revue de presse, c'est l'équipe qui commente le journal de ce matin, notamment cette étude qui commente le lien entre l'euro et l'infidélité des femmes qui augmente. C'est une étude scientifique. Mmh. Qui êtes-vous pour vous opposer à la science, Sarah de Padua? 8h55, Sarah, vice, l'opération Wallonie, week-end bienvenue, rapidos le principe. Oui, ben, c'est chaque il y a plusieurs week-ends par an, il y a plusieurs communes qui sont mises à l'honneur, chaque fois des communes différentes, et les ambassadeurs, on appelle ça comme ça, qui sont des habitants, font porte ouverte pour découvrir leur métier, leur passion, et il y a parfois des choses insolites. Alors ce week-end, un cours dans le Brabant Wallon, et... l'Aube c'est dans le Hainaut, Durbuy province de Luxembourg, sont les trois communes à l'honneur. Oui, tout est gratuit, entre 50 et 60 activités selon la localité. Et donc je vous parlais d'exemples insolites. À un cours, par exemple, on va pouvoir déguster des insectes comestibles, évidemment. C'est chez Bifood, qui est un élevage de 35 mètres carrés, donc c'est tout petit, qui produit une tonne d'insectes par mois. Wow. Vous imaginez, donc c'est... Voilà. Et ils sont élevés en plein air. Non, c'est dans des baquets comme ça. Ils n'ont pas besoin de grand-chose, c'est vraiment écolo. On va faire le plein de protéines, évidemment, très protéinées. Ah. Plus de fer que dans les épinards, plus de calcium que dans le lait. Donc, on dit que c'est l'aliment du futur. Et donc, on va pouvoir les déguster nature. Hein. Ouais. Qui a déjà goûté le criquet, Patrick? Alors, moi, j'ai goûté des petits verres de farine. C'est très, très bon. C'est un goût de noisette, c'est très bien. Au chocolat, etc. J'ai trouvé ça très sympa, moi. Ah, il aime bien. Il faut savoir que l'AFSCA autorise 10 espèces d'insectes. Ne me parlez pas de l'AFSCA, attention. Oui, je sais. Mais justement, elle est très sévère là-dessus aussi. Elle autorise seulement 10 insectes comestibles. Et ce sont des grillons, des criquets, des chenilles et des vers. Donc, en effet, comme le verre de farine. Mais alors, en fait, le monsieur de Bifood, il gère aussi un restaurant qui s'appelle Les Saveurs de la Linière. Mmh. Et là, à partir de cet été, donc là, il fait déguster en avant-première. Ils vont vraiment faire des plats gastronomiques à base d'insectes. Mais ils le disent, ils l'annoncent à la carte. Ça va être annoncé à la carte cet été, m'a-t-il dit. Donc, il commence à communiquer là-dessus grâce à Wallonie Weekend Bienvenue. Vous pourriez, Sarah, faire ça, un gastronomique avec larves et criquets? Je ne sais pas. Déjà, je suis plus brasserie que gastro. Attendez, j'adapte la question. Vous pourriez faire une brasserie avec verre, criquets? Est-ce que vous pouvez... Tu vas au cuic pour des cigales? Mais non, mais écoutez, moi j'aime bien, par exemple, cappuccino de panais au verre de farine. Ouais, ouais. Praline et macarons au grillon et criquets, c'est cappuccino, je l'ai déjà dit. Spaghetti de courgettes, fricassé de chenilles africaines, tartare de lard. Ah, tu vois, non, c'est... Voilà. Je crois que je pourrais pas. Ce sera pas tout le restaurant comme ça, mais je trouve ça bien de... C'est bien parce que vous pourrez inviter personne dans l'équipe, à part Pat, peut-être. Non, mais il faut essayer. Il faut essayer, voilà. C'est vrai. Essayer. C'est la tête qui bloque, en fait. Et oui, voilà, c'est les a priori toujours qu'on a sur ces petits animaux bien sympathiques, ma foi. Pendant qu'on stade, un cours, c'est ça. Une autre idée à dire bouillir à Voilà, alors là, on peut visiter une communauté spirituelle indienne qui s'appelle Radadesh, qui est installée depuis 30 ans au château de Petite Somme. C'est vrai que c'est un très beau château. Mmh. C'est la communauté qui a entièrement restauré ce château. Alors, on peut visiter le temple. D'ailleurs, il est ouvert toute l'année, ce château. C'est une communauté ouverte à tous, tout le temps. Mais il y a aussi boutique indienne avec vêtements, tissu, musique, bijoux, donc ça c'est même pour faire du shopping, c'est très bien. Il y a un restaurant végétarien puisque les Indiens sont principalement végétariens. Il y a des moines, il y a des skis dedans. Eh ben c'est une communauté de... Ah oui. Et des Indiens. Non mais pas non ou des Belges qui adhèrent à cette philosophie. Ils ont un habit traditionnel, ils sont. Mais moi, ce que j'ai vu, il y en a en habit, oui, okay. En effet. Et alors il y a des chambres d'hôtes aussi qui sont ouvertes pour les membres de la communauté où ils vont en week-end yoga, retraite spirituelle et tout ça. Donc c'est un mode de vie qu'on ne connaît pas a priori. Et c'est en fait le temple le plus important du Benelux. Donc il y a beaucoup d'Indiens qui viennent pour les grandes cérémonies. Ah donc c'est un lieu qui est connu en Europe. Ouais, exactement. Radadesh. Ouais. Radadesh. Radadesh. Ouais. Non, pas, ouvert tous les trois. Radadesh. Non, pas parce que Radadesh, c'est quand mais même pas dire, c'est pas Daesh. Faut faire attention. Ils ont des chambres d'hôtes. Oh non. Ils ont des chambres d'explosifs. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient. Les auditions sont ouvertes. Inscrivez-vous. Et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/thevoice. Voir Christian Marquet sur un écran aux couleurs éclatantes. Choisissez votre TV pour le foot dans un magasin Vandenborg et emportez-la directement. Vandenborg. Mesdames et messieurs, ceci est une déclaration officielle de Denis Collard. Oui, voilà. Merci, Denis Collard. Bon, mais comme je disais tout à l'heure, heureusement qu'il y a Marc Wilmots pour être plus impopulaire que moi, parce que je vais encore vous parler d'averses. Voilà, on est encore avec des averses ce matin sur le Hainaut, mais allez, ça se calme un petit peu ce matin. Malheureusement pour nous, ça va être à nouveau orageux l'après-midi, et donc des averses susceptibles d'être quand même soutenues avec de la grêle. 14 à 18 degrés pour les températures. Demain, encore des averses. Certes, moins qu'aujourd'hui, mais on ne se passera quand même pas du parapluie. À partir de dimanche, par contre, ça semble aller mieux avec des nuages, quelques timides éclaircies, 14 à 19 degrés, mais un temps sec. Et lundi, alors là, écoutez bien, des éclaircies, des coins de ciel bleu et 17 à 22 degrés. Vous écoutez Viva, il est 9h. S'informe, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Si vous prenez l'avion aujourd'hui à Zaventem, vous partirez peut-être sans votre valise. Les bagagistes de Swissport sont en grève. Swissport, c'est près de 2/3 des bagagistes de Zaventem. Le personnel dénonce un manque de moyens. Il y a une semaine, on a fait déjà, avec nous les syndicats ensemble, un préavis d'action pour l'ensemble secteur assistance en escale, parce qu'il y a, après les attentats, un manque personnel très énorme et le fonctionnement de matériel et tout cela, le manquement de matériel, de maintenance, mais le plus important, le manque de personnel suffisant sur le terrain était désastreux et il y a un chaos total au sein de cette entreprise. Et pour ça, on a fait un préavis de grève pour l'ensemble du secteur et après la conciliation mercredi soir, on a vu que la plupart des entreprises ont déjà anticipé un peu, sauf Swissport. Kurt Kallart, secrétaire fédéral CC Transcom, joint par Pierre Vandenbulk. Une réunion de conciliation entre la direction et les syndicats est prévue dans une heure. Pas grand monde ce matin dans les bureaux du Forum en Wallonie. Des piquets de grève sont installés un peu partout. Une action de la CGSP pour protester, là aussi contre un manque d'effectifs. Les tâches du personnel se sont alourdies à la suite des transferts de compétences. L'agresseur du commissaire Van der Smissen, jugé aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Un membre de la FGTB avait mis KO le commissaire de police lors de la manifestation nationale le 24 mai dernier. Aujourd'hui, le voilà qui comparaît moins d'un mois donc après les faits. C'est ce qu'on appelle une procédure accélérée. Roland Brunel nous explique comment ça fonctionne. Moins d'un mois entre les faits et la comparution devant le tribunal correctionnel, c'est rapide, mais c'est la procédure accélérée. Elle existe depuis une vingtaine d'années et elle permet au parquet de renvoyer l'auteur présumé de fait, sans enquête, directement devant le tribunal. Et c'est ce qui se passe avec ce manifestant qui a reconnu avoir, lors de la manifestation du 24 mai, donné un coup de poing au commissaire Pierre Van der Smissen. L'homme s'était spontanément présenté à la police car il s'était reconnu sur l'avis de recherche diffusé. Après son